Yeah. Okay. Youssoupha. En noir et blanc, en attendant noir désir. Ce qui ne te tue pas te rend têtu. Yeah. La banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Pas un de ces beaux parleurs qui jacquent comme un slammer. Et je crame sous sa chaleur, back toutes ses valeurs. Je suis back dans les bacs et puis je rappe sous sa clameur. C'est le rap d'un blédard humble, pas d'un bâtard de crâneur. Ce rap va faire date, mais lascar en mode gagneur. Chaque fois des gameurs n'échappent pas aux grailleurs. Ne jacquent pas déjà, la rue se charge des aboyeurs. C'est la rue et son char, je me décharge en mode brailleur. Les squales font les stars, et puis les stars font les voyeurs. Chial baby chial, Marine se charge en mitrailleur. Jacques Pac Marat se télécharge sur l'âme wire. Punchline manieur, je tue le mic broyeur, batailleur. Et pourtant nos fans, je représente la France d'ailleurs. Si rien ne change, les émeutes reviendront encore une fois. Parce que les ghettos vous yeux et la banlieue a une voix. Yeah, Prince parolier, Beaumaillé musique. Yeah, dédicacé à tous mes gens, à Sergi 9-5, à Créteil 9-4, Sartrouville, Boulogne, Grigny, Bordeaux, Saint-Étienne, Montfermeil. C'est ça, même la banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Pas un de ces beaux parleurs qui avancent nos paroles. Les charognes me guettent devant ma tête, font les pachas. Ils veulent mon ADN et quand ils viennent, ils ont mon crachat. TF1 sur leur plasma, ils m'ont pris pour un poisson. Dès que je débite un peu, les députés sont prêts à me pousser au placard. Dès que mon rap débute, j'ai toujours la réputation de rebuter les bâtards. Bon, les ardents à l'attitude, on a pris l'habitude de le porter le brassard. Pourtant, je suis que de passage, téléporté de Kinshasa. Ne vous précipitez pas si vous pratiquez pas le mélange et le brassage. Tu vois ça, yeah. Au-delà des ennuis du terre-terre, on a une force et une foi. Impossible de nous faire taire, car la banlieue a une voix. Yeah. Et j'en place une pour les frères et les sœurs. À Évry, à Marseille, à Melun, Aubervilliers, ici les Mboka, Sevran, Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, Comble-la-Ville, La Courneuve, Rosny-sous-Bois, Bobigny et Ony, Trappes, Strasbourg, BXL,